Unité 3, 1, C. 1. Elle est très sympathique. En effet, sympathique. Et intelligente aussi. C'est vrai, et c'est une excellente étudiante. Elle est un peu timide, c'est dommage. Timide ? Elle ? Mais pas du tout. Enfin, c'est seulement une impression, tu sais. 2. Il parle. Tu sais comme ils sont les Italiens. Oui, il est très bavard, mais il nous fait beaucoup rire. Il est vraiment très amusant. Amusant et surtout agréable. Oui, c'est vrai, c'est un homme très agréable. 3. Elle n'aime pas beaucoup rire. C'est pas vrai, ça. Elle a beaucoup d'humour. Ce n'est pas mon impression. Pour moi, c'est une jeune femme très sérieuse. Parce que tu ne la connais pas, je t'assure qu'elle est sympa et très gentille. 4. Il ne parle pas beaucoup. Et on dit qu'il est souvent de mauvaise humeur. Ça, ce n'est pas vrai. Il ne parle pas parce que c'est son caractère. Il s'exprime avec sa guitare. Tu sais comme ils sont les musiciens.